Mes bandes agit le voile du pesant. J'ai peut-être pas l'air, c'est une allure. Mais mon organe est de don de la nature, car je suis beau. Oh, oh, oh. Même les mots tout nus, mais personne n'a jamais vu.